C'est mal caché mon impression, c'est peut-être une sottise. Un soldat fasciné à décréter ne sait pas faire dire la vérité. Mon avis, comme pays, j'aime mieux Paris. Ici pour parler en toute sincérité, c'est peut-être beau, mais ça manque de gaieté. Si votre peuple n'est pas gai, votre aristocratie a l'air gracieux, tout indiqué dans la catalepsie. Devant les dames de la cour et leur mineuse altière, on songe moins à Pompadour qu'à des reines douairières. D'ailleurs ici, je reconnais qu'on a on en attend tant que ça n'est pas souvent qu'on rigole. Quelle différence lorsque j'y pense avec la France où tout sourit, les paysages, les gens peu sages, même les corsages ont de l'esprit. On m'a demandé mon opinion, il faut bien que je la dise. Je sais mal cacher mon impression, c'est peut-être une sottise. Un soldat racine l'a décrété, ne sait pas faire dire la vérité. Mon ami, comme pays, j'aime mieux Paris. Ici pour parler en toute sincérité, c'est peut-être beau, mais ça manque de gaieté. Ma bonne Frédérique. Jamais je ne fus plus heureuse d'un bonheur presque surhumain que la minute radieuse où sa main a pris ma main. J'éprouvais une telle joie que j'ai cru voir le ciel s'ouvrir dans cette extase où l'âme ploie. J'aurais presque aimé mourir. Adorable et sainte ivresse d'un cœur innocent, je retrouve la tendresse d'un amour naissant. Je voudrais rire et pleurer. Je voudrais rire et pleurer. Mon cœur semble m'étouffer. Mon cœur semble m'étouffer. Tout la peine exprimable, effrayant. L'amour m'attire et me fait peur, mais est-il sans lui de bonheur? J'aurai foi dans l'avenir. J'ai foi dans l'avenir. Je veux chasser le doute. Malheur à qui l'écoute. Non, je ne veux plus avoir peur. J'ai confiance en mon bonheur. J'ai lui pour mari, celui que je chéris. Depuis une rue d'oublier. Comment aimerez-vous, comment aimerons-moi, sa vie à la mienne liée. Il est son mari, celui que je chéris. Et moi qui voyais en rose l'avenir en le regardant, je n'en reviens pas, mais c'est une chose qu'on ne peut pas savoir avant. Quelle tristesse pour ma dynastie, la voilà bien mal lotie. À la pauvre, à la pauvre, à la pauvre dynastie. Je fais des excuses, Altesse, je sais bien vous préféreriez que je fasse une petite princesse, voire un petit prince héritier. Mais au marché où ça s'achète, on ne me vendrait pas d'enfant. Depuis longtemps je le regrette, j'ai dépensé tout mon argent. Peut-être que monsieur s'écoute. Mais non, ce n'est pas un refus. Vous vous faites des idées sans doute. Des idées où je n'en ai plus. Je suis rougissante et je n'ose. Il doit exister un moyen. Mais il faut avoir quelque chose. Et bien alors? Et moi je n'ai plus rien, rien, rien. Je crois que nous n'avons à nous dire plus rien d'aimable ni de gai. Permettez que je me retire. Je suis fatigué. Cette histoire n'est pas nette, il n'a pas une tête à ça. Sans doute, Altesse, mais la tête n'a rien à voir dans ce cas-là. En attendant la dynastie, reste les vraiment mal lotis à la pauvre dynastie. Pauvre dynastie. Oui, c'est une valse de Vienne, une valse au rythme berceur, dont la longueur magicienne vous pénètre sa douceur. C'est la valse toujours pareille et jamais la même pourtant. Comme l'amour qui se réveille, toujours semblable et différent. Elle est tantôt douce et joyeuse, tantôt vibrante de désir, ardente et capricieuse, triste au fond comme le plaisir. Rêve de valse, rêve d'un jour, valse de rêve, valse d'amour, le vent la mêle au soir exquis. son rythme m'appelle et j'obéis. Ami, les gardes ta liberté, la barre garde, c'est la gaieté. Moi, résiste au doux printemps. L'hymen est triste et j'ai 20 ans. Valse divine, petit très court, il se devine et c'est l'amour. Viens vers la valse qui m'attire, je veux écouter sa chanson. Je veux voir de près un sourire, éprouver peut-être un frisson. Demain j'essaierai d'être sage, je veux être jeune aujourd'hui. Il me faut prendre du courage, je vais ici mourir d'ennui. L'aventure est plus qu'amoureux, je veux encore une fois, ô fille mélodieuse, vous écouter comme autrefois. Rêve de valse, rêve d'amour, valse de rêve, valse d'amour. Son rythme m'appelle et j'obéis. Ami, n'aie garde de l'écouter. La marre garde, c'est la gaieté. Crois-moi, résiste au doux printemps. Hymen est triste et j'ai 20 ans. Valse divine, au titre est court, il se devine et c'est l'amour. J'attends toujours. Quand viendrez-vous me dire les mots qu'attend mon rêve inachevé, les mots très doux qui vont en me traduire le geste fou du soir que vous savez. Un autre jour, je viendrai vous les dire, pas aujourd'hui, bonsoir, je me retire. À notre amour, vous dites au matin, il est trop tard, mes filles, il ne vaut rien. Et puis du reste, à quoi bon nous presser? N'avons-nous pas pour nous la vie entière? Votre œil se ferme, il est temps de vous laisser. Je sens d'ailleurs s'alourdir ma paupière. La fatigue sans doute, instant trop doux, ma raison te redoute. Fuyons-la vite, ou je suis en danger. À quoi soudain paraissez-vous songer? Je vois un peu de votre épaule, votre parfum me grise doucement. Il ne faut pas ou demain c'est la jaune. Il vaut mieux fuir, fuir vivement. Princesse, bonne nuit. laisse bonne nuit. J'imaginais plus vivant votre flamme. Je suis éteint, princesse bonne nuit. Bonsoir. On tient la mesure, nuit et jour, chaque Voyons, puisque la destinée nous rapproche gentiment, doit-elle être par nous gênée? Il faut lui céder gaiement. Je suis amoureux et vous belle, laissez donc parler votre cœur. L'amour dans un battement d'air nous appelle vers le bonheur. L'amour dans un battement d'air nous appelle vers le bonheur. Mon bel officier, trop joli parleur, vous nous proposons d'un jour. Je ne veux pas vous donner mon cœur, de souffrir bientôt j'aurai trop de peur, car je ne suis pas des sermons pour le vaincre, ton cœur en aura des sermons, mes baisers sauront te convaincre, tu verras, ils sont éloquents, ne résiste pas car je t'aime, et crois-moi tu m'aimes aussi, vivons l'éternel poème, rien ne vaut ce moment-ci, vivons l'éternel poème, rien ne vaut ce moment-ci. Oh, bel officier, pourquoi me griser? C'est un jeu méchant qu'il faut cesser. Les mots dont vous savez me bercer, vous ne pouvez pas, hélas, les penser. Je souffrirai si je cède, et vous voyez mon émoi, mon pauvre cœur crie à l'aide. Soyez sage, laissez-moi. Oh, mignonne, viens, sois bonne, viens. Tu vois, je suis sage. Parcours en amour, en amour, en amour. faut-il vous renseigner? Soit j'ai pour vous beaucoup de sympathie. Vous êtes jeune et vous êtes jolie. D'aider à votre bonheur, je serai ravie. C'est tout un art qu'il me faut vous enseigner. Afin d'achever sa conquête, il faut être habile et coquette, adroitement l'agacer, s'offrir et se refuser. Afin d'achever sa conquête, il faut être habile et coquette, adroitement l'agacer, s'offrir et se refuser. Mon amour, mon amour, le bon chemin n'est pas plus court. Mon amour, mon amour, le bon chemin n'est pas plus court. Mon amour, mon amour. La flûte, j'ai le don. Moi, j'exécute du violon. Mais cela peut s'accommoder. Le tout est de bien s'accorder. C'est un problème, simplement, garder le même mouvement. Lorsque l'on va prestissimo, faut pas que l'autre aille à d'agio. Piccolo, piccolo. Si, si, si. L'un fait la chant, l'autre la sourd. Comprennent le piano, comprennent porter le son. Ce qu'il faut, c'est l'attaquer à l'unisson. Piccolo, piccolo, tin, tin, tin. L'un fait le chant, l'autre la sourdine. Comprennent le piano, comprennent porter le son. Faut le prendre à l'unisson. Seul, c'est pas drôle, il vaut mieux à tour de rôle jouer à deux. Car si beau que soit un solo, chacun préfère le duo. Tout seul, j'aborde déchiffrer. À deux, j'adore opérer de la flûte et du violon. Y'a plus douce l'exécution. Piccolo, piccolo. Tzin, tzin, tzin. L'un fait le chant, l'autre la. Comprenne le piano, comprenne forte le son. Ce qu'il faut, c'est l'attaquer à l'unisson. Piccolo, piccolo, tin, tin, tin. L'un fait le chant, l'autre la sourdine. Comprenne le piano, comprenne forte le son. Faut le prendre à l'unisson. On recommence plein d'amour. Une séance chaque jour. Si bien qu'à la fin subito, le duo devient un trio. Il s'organise un matin par la surprise d'un bambin. Dodo, joulolo, tété. Voilà l'orchestre complété. Piccolo, piccolo. Tzin, tzin, tzin. Celui-là ne joue pas en sourd. Mais qu'il rit ou pleure toujours sa chanson, fait vibrer le cœur des parents à l'unisson. Piccolo, piccolo, tin, tin, tin. Celui-là ne joue pas en sourdine. Mais qu'il rit ou pleure pendant sa chanson, tous trois sont à l'unisson. Pas possible. Je suis pris. Le grand duc. C'est mon mari. Sans funeste. Pris en piège. Vous ici, dans ce réveil-je. Cher monsieur, c'est heureux de vous revoir. Quelle aubaine. Vous avez esquivé heureusement la migraine. Ce sommeil lourd qui vous terrassait et dont mon amour qui se leurre fut victime. Vous êtes donc quitté puisque vous sortez à cette heure. Ma guérison, vous avez raison, peut avoir de quoi vous surprendre. Étrange effet, une valse l'a fait, pour me croire, il faut l'entendre. Ces très doux accents, au son caressant, entraînant et d'un rythme tendre, m'avait grisé. saisi d'un charme exquis, je n'ai pas pu m'en défendre. Attenez, la valse chante, voyez si l'on peut y résister. Tel en riant une fée enchante, elle vous prend et vous fait rester. Oui, c'est vrai, la valse chante. Non, je ne peux pas y résister. C'est en riant qu'elle enchante, elle vous en fait rester. Rêve de valse, rêve d'un jour, valse. Ma peine et j'obéis aux saintes ivresses de la gaieté, de la jeunesse, de la beauté.